Vas-y, lâche-toi un petit peu, t'as l'air tout tendu. Regarde ton pote, il est cool, il a une super chemise en plus. Bon bah c'est pas parce que t'es sympa, mais tu me rajouteras un petit beignet quand même. T'as l'air tout tendu. Regarde ton pote.